aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Enigma ou la guerre invisible. Notre histoire aujourd'hui est celle d'une bataille parmi les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été remportée par les Alliés contre l'Allemagne, mais elle n'a nécessité celle-là ni char d'assaut, ni sous-marin, ni avion de chasse. Et les nazis ne se sont même pas rendus compte qu'ils l'avaient perdue, tout comme ils n'ont pas vu qu'à partir de Stalingrad, le conflit mondial qu'ils ont déclenché allait provoquer leur perte. Celle-là est une guerre d'un genre particulier, secrète. Elle oppose l'intelligence de quelques hommes à une machine, Enigma, un appareil de codage ultra sophistiqué grâce auquel les nazis pensent communiquer en toute sécurité. Car Enigma porte bien son nom. Son fonctionnement est si complexe que jamais son secret n'aurait dû être découvert. Et pourtant, grâce à un travail entamé dès 1931, Enigma a cessé d'être une énigme. Mais à quel prix ? Notre invité aujourd'hui, François Kersaudy, historien, biographe de Churchill, De Gaulle, Hitler, Staline et Göring, entre autres. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Winston Churchill aime la vie. Il n'aime donc pas se lever avant 9h. Et le petit déjeuner, c'est au lit qu'il le prend. Mais ce matin-là n'est pas un petit matin comme les autres, car il n'est que 7h lorsque son valet entre dans la chambre. Il apporte une mallette. Avant d'ouvrir, Churchill demande d'être seul. Puis il entre deux combinaisons et la mallette s'ouvre. À l'intérieur se trouvent toutes les communications des armées nazies interceptées dans la nuit. Au fond de son lit, Churchill apprend ainsi les mouvements des Allemands, les derniers ordres d'Hitler, les offensives à venir et les bilans des dernières batailles. Il lit ce que les nazis ont de plus secret, leur message crypté par Enigma, fruit d'un travail et d'une collaboration inédite entre Français, Polonais et Britanniques. Tout a commencé 10 ans auparavant. Le 8 juin 1931, à Berlin, un homme entre dans la basette française. Il s'appelle Hans Thilo Schmidt et il a une offre à faire à l'ennemi de l'Allemagne. Il travaille au bureau des transmissions de la Wehrmacht. Cet homme-là connaît le secret de toute nouvelle technique de chiffrement militaire. 12 ans après le traité de Versailles, en effet, l'armée allemande recommence à se développer. Elle communique par radio, ce que font toutes les armées, mais comme il est très facile d'intercepter les ondes, il vaut mieux envoyer des messages codés qui, s'ils tombent dans les mains de l'ennemi, restent illisibles, à moins bien sûr d'en avoir la clé. Au vu des dernières transmissions interceptées, les Allemands semblent avoir développé un code particulièrement efficace, un véritable cadenas. Et voilà précisément ce que Schmidt propose de vendre. Ce n'est pas par idéologie que cet homme trahit son pays, non. C'est pour l'argent, tout simplement. Le dénommé Hans Thilo Schmidt est marié, 2 enfants, il aime les voitures, l'alcool, les beaux costumes, mais il doit aussi entretenir ses maîtresses. Alors rendez-vous est fixé ce 8 novembre 1931 dans un luxueux hôtel de Verviers en Belgique. Dans une suite, l'attendent un certain Lemoine, agent des services français, et Gustave Bertrand, le chef du service des transmissions françaises, en personne. Et ce dernier se souvient. Dans le salon enfumé par les cigares, flottaient les flonflons d'une radio. Le moine me présente son homme. Schmidt est debout, un verre de whisky à la main. Un sourire illumine son visage. « Monsieur Barzac, dit-il, vous allez, je crois, être satisfait. » À cet instant précis, Schmidt devient pour les Français la source H. Et quelle source ? Qui révèle tout ce que les Français cherchaient ? Pour chiffrer leur message, les Allemands utilisent une machine qui s'appelle Enigma. Schmidt sort fièrement de sa sacoche une chemise cartonnée. À l'intérieur, une centaine de feuillets estampillés « Geheim », secret. Gustave Bertrand, stupéfait, les met sous son bras, sort de la chambre en vitesse et monte à l'étage. Il s'enferme dans une salle de bain. À l'intérieur, l'attend un autre agent avec un appareil photo. Là, devant l'objectif, il fait défiler les documents, tous plus confidentiels les uns que les autres. Des notices techniques, des photos, le guide des réglages, les secrets les plus précieux de l'armée allemande. Je vous présente Enigma. Les détails concernant chaque attaque surprise, chaque convoi secret, chaque sous-marin infestant l'Atlantique entre dans cet objet et en ressorte sous la forme d'un charabia. Nos opératrices interceptent des milliers de messages radio par jour, mais pour les charmantes recrues de la Royal Navy, ils n'ont aucune signification. Et les Allemands modifient les réglages chaque jour à minuit précise. Nous interceptons généralement notre premier message le matin vers 6 heures, ce qui vous laisse très exactement 18 heures chaque jour pour déchiffrer le code avant qu'il ne soit modifié et qu'il ne faille recommencer. Enigma, comme le présente le film The Imitation Game, est une machine qui semble hors de toute atteinte. Pourtant, elle a l'air d'une machine à écrire ordinaire, même un peu moche. Mais au-dessus du clavier se trouvent 26 lampes, chacune marquée d'une lettre de l'alphabet. Au lieu du cylindre prévu pour le papier, il y a 3 rotors. Et sur le devant se trouve un tableau de connexion qui permet d'intervertir les lettres du clavier. Donc, lorsqu'on presse une touche, mettons la lettre A, un courant électrique passe par ces connexions, puis par les rotors, et allume l'une des lampes qui indique en quoi la lettre a été transformée. Disons, la lettre P. La magie d'Enigma, c'est que si l'on frappe à nouveau la lettre A, ce n'est pas la lettre P qui réapparaît. Et non, trop facile. Alors que dans un système de chiffrement normal, le code reste le même du début jusqu'à la fin, avec Enigma, il change à chaque lettre. Pour reconstituer le puzzle, bonjour. Alors, une fois que le message est transformé en une suite de lettres incompréhensibles, il est envoyé en morse par radio, son destinataire disposant lui aussi d'une énigme. Il tape à son tour la suite de lettres, et là, le message initial s'affiche sur les lampes. Enigma sert donc de machine à chiffrer et à déchiffrer. Mais il ne suffit pas d'avoir un exemplaire pour décoder les messages. Là encore, ce serait trop simple. Car on ne peut rien faire si l'on ne connaît pas la configuration initiale, c'est-à-dire la position des 3 rotors et les branchements du tableau de connexion sur le devant de la machine. Or, en 1939, à la veille de la guerre, le nombre de configurations possibles est démesuré. Comme l'explique la chaîne YouTube y pensait. Le truc qui est vraiment dingue, c'est la complexité combinatoire qu'il peut y avoir au niveau des possibilités qu'on a au réglage initial. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 rotors, qui sont complètement amovibles, en fait, sont choisis parmi 5 rotors possibles. Ça fait qu'on a 60 possibilités pour simplement positionner les rotors. De plus, chaque rotor a 26 positions possibles. Donc, rotor plus position, on a déjà 1 054 560 possibilités. Mais tout ça, c'est absolument que dalle par rapport au câblage qu'on peut faire en façade avec les 10 paires de lettres. Parce que là, c'est juste démentiel. Les possibilités sont de 26 factoriel sur 6 factoriel x 10 factoriel x 2 puissance 10, ce qui nous fait 150 738 274 937 250 possibilités. Et donc si on intègre les rotors, la position des rotors et le câblage, ça nous fait 158 962 555 217 826 360 000. Bon, maintenant, tout bon cryptanalyste sait qu'il n'existe pas de code parfait. Mais décrypter un message prend du temps, évidemment. Pour Enigma, à raison d'une configuration testée par minute, 30 000 milliards d'années ne suffiraient pas. Or, il faut décrypter en moins de 24 heures, car la configuration change tous les jours à minuit. Pour la première fois dans l'histoire, un code semble donc inviolable. Mais fort des documents livrés par Schmitt, Gustave Bertrand court prévenir les renseignements français. Le chiffrement mécanique est imperméable, lui dit-on. Nous perdons notre temps. Alors, il propose sa documentation à l'Angleterre, qui n'en veut pas non plus. Enigma est un problème bien trop compliqué. C'était désespérant. Sur les conseils du patron, aussi décidé que moi à exploiter à fond les ressources de H, je sollicitais, par l'intermédiaire de l'ambassade de Pologne, un rendez-vous d'urgence du lieutenant-colonel Langer, chef du bureau du chiffre polonais. 24 heures après, l'attaché militaire me donnait son feu vert. Oui, c'est en Pologne que Bertrand trouve à qui parler. La Pologne, une nation écrasée entre l'Allemagne et l'URSS et deux pays qui brûlent de la reconquérir. Alors quand les Polonais ont appris dans les années 20 que les Allemands utilisaient cette machine, Enigma, ils se sont mis au travail. Lorsque Bertrand les rencontre en novembre 31, c'est l'explosion de joie. Voilà 2 ans que leur meilleur mathématicien s'attaque à Enigma. Mais sans les configurations quotidiennes qui sont indiquées dans les livres sous haute protection, ils ne peuvent pas faire grand-chose. En revanche, avec les documents des Français. La donne a changé. Un an plus tard, la Pologne lit les premiers messages interceptés. Le code d'Enigma est cassé. En décembre 32, juste à temps, car le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est nommé chancelier de l'Allemagne. Et le monde bascule. La guerre approche, et c'est une course contre la montre qui s'engage dans les renseignements français et polonais. Schmitt fournit les documents, dont les précieuses configurations quotidiennes. Et les Polonais lisent les messages nazis. Du 29 juin au 2 juillet 34, c'est presque en direct qu'ils suivent la nuit des longs couteaux par les transmissions qu'ils interceptent. Ils lisent en temps réel l'ordre d'Hitler d'assassiner Ernst Röhm, le chef des SA. Mais les Polonais dépendent trop de Schmitt, et lui ne peut pas toujours fournir les configurations d'Enigma. Marian Radziuski, l'un des cryptanalystes polonais, écrit « Désormais, nous avons la machine, mais nous n'avons pas les clés et nous ne pouvons pas demander à Bertrand de nous les fournir tous les mois. Nous avons dû élaborer des méthodes pour trouver les clés quotidiennes. » Pour lutter contre une machine, il faut une autre machine. Les Polonais mettent 5 ans à la concevoir. Elle est prête en 1938 et elle s'appelle Bomba. Peut-être en référence à son bruit, un tic-tac saccadé, qui ne s'arrête que quand la machine a trouvé ce qu'elle cherche. La Bomba simule l'activité de 6 énigmas en même temps. Et donc, elle passe en revue les 17 576 configurations possibles des rotors et s'arrête quand le texte qu'elle décrypte est bon. En 1938, les Polonais déchiffrent ainsi 70% des messages qu'ils interceptent. Mais à l'approche de la guerre, les Allemands améliorent leurs machines. Ils ajoutent des branchements sur le tableau de connexion et de nouveaux rotors. Les Polonais ne lisent plus que 10% des interceptions et ne peuvent plus suivre la cadence. Ils n'ont que 6 bombas quand il leur en faudrait 60. Leurs moyens sont limités, on l'aura compris. Le temps également joue contre eux. Et puis, ils sont trop isolés, trop seuls. Avant de perdre la bataille, ils n'ont plus d'autre choix que de montrer à leurs alliés comment casser Enigma. Gustave Bertrand raconte. Le matin du 26 juillet 1939, Français et Britanniques avons été conduits à une base secrète dans la forêt de Piri, à côté de Varsovie. L'Enigma de la Wehrmacht, entièrement reproduite par le bureau polonais, nous a été présentée. Les Britanniques étaient époustouflés. Ils n'en ont pas cru leurs oreilles quand les Polonais leur ont dit qu'ils leur remettaient une copie d'Enigma et qu'ils nous en donnaient une autre. Le relais est passé, encore une fois juste à temps. La France reçoit un message de H. « Attention à la fin août », dit ce message. C'est presque ça. Car c'est le 1er septembre que l'Allemagne envahit la Pologne. À la hâte, les cryptanalystes polonais détruisent leurs recherches. La guerre a commencé. Why must we go away? This morning, the British ambassador in Berlin. Ce matin, l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Berlin a remis au gouvernement allemand une note déclarant que, à moins que nous ayons une réponse avant 11 heures, selon quoi ils étaient prêts à retirer leurs troupes de Pologne, un état de guerre existerait entre nous. Je dois vous dire maintenant qu'aucun engagement n'a été reçu et que, par conséquent, ce pays est en guerre avec l'Allemagne. Le 4 septembre 1939, au lendemain du discours de Chamberlain, Premier ministre britannique, un mathématicien de 27 ans franchit le portail d'un château au nord de Londres. Cet endroit, c'est Bletchley Park, une base secrète des renseignements britanniques. Et le mathématicien, c'est Alan Turing. Turing est un jeune professeur du King's College à Cambridge. Il s'est fait connaître par un article paru en 1936 qui a posé les jalons de l'ordinateur moderne. Turing est un mathématicien hors norme. Il estime que la pensée humaine peut être reproduite par une machine. Sa mission est d'en inventer une qui puisse percer le mystère des configurations d'Enigma, c'est-à-dire faire en quelques minutes le travail qu'un homme ferait en des milliards d'années. Il est d'ailleurs le héros du film The Imitation Game. Je ne parle pas allemand. Pardon ? Je ne parle pas allemand. Comment êtes-vous supposé décoder les messages cryptés qu'échangent les Allemands si vous ne parlez pas allemand? Vous devez plaisanter, forcément. J'ai peur de ne pas savoir ce que ça veut dire, commandant Denniston. Vous essayez de déchiffrer les codes de la machine Enigma des Allemands. C'est le système de cryptage le plus génial de l'histoire, et les Allemands l'utilisent pour communiquer au plus haut niveau. Si les Alliés arrivent à casser Enigma, eh bien... Mais vous n'arrivez à rien. Sinon, vous n'iriez pas chercher des cryptographes parmi les universitaires. J'aime résoudre des problèmes, commandant. Et Enigma est le problème le plus difficile qui soit. Le parc est constellé de baraquements. On les appelle les huttes. Et c'est dans ces huttes qu'on casse Enigma. Chaque sous-marin allemand, chaque état-major, chaque division de blindés communique avec Enigma. Et chaque armée possède ses propres configurations. Alors, chaque hutte a sa cible. La 6, celle de Turing, s'attaque à l'armée de terre, la Wehrmacht, et à l'armée de l'air, la Luftwaffe. Le 8 s'occupe de la flotte, la Kriegsmarine, et la 16 est en charge des services secrets, l'Abwehr. La bombe polonaise ne permet pas aux Anglais de décrypter les messages nazis, mais elle leur fait gagner un temps précieux, parce qu'elle leur fait comprendre les failles d'Enigma. Et la première est humaine. Les opérateurs allemands doivent choisir la position des trois rotors de la machine à chaque message, puis la coder deux fois de suite au début de la communication. Donc, les six premières lettres des transmissions sont essentielles parce qu'elles indiquent la position des rotors à utiliser pour déchiffrer. Il se trouve que les opérateurs ont pour ordre de choisir cette position au hasard. Mais ils écrivent des centaines de messages par jour. Lassant. Il y a ceux qui tapent toujours sur les trois premières lettres du clavier, d'autres qui codent trois fois la même lettre. Il y en a un qui utilise systématiquement le code KLA, soit les trois premières lettres du prénom de sa petite amie Clara. N'empêche que le 17 janvier 40, les premiers messages sont décryptés. Et le 22 mai, la hutte 6 perce l'énigme de la Luftwaffe. Le temps presse, car l'Allemagne a déjà fait tomber la France. Et la voie étant libre, la ligne Maginot débordée, la puissance allemande a frappé vers le centre de la France. La guerre ne consiste plus en places prises, en victoire ou en défaite, mais la guerre, ça veut dire que des gens moyens qui travaillent au champ, à l'usine, au bureau, qui vont parfois au théâtre, s'enfuient affamés, pris de panique, sans ressources et sans amis. Parce que dans un monde égoïste, ils étaient seuls. Et les armées sont arrivées à Paris. L'Allemagne triomphait vraiment. Il restait maintenant à en finir avec l'Angleterre. Une Angleterre fatiguée et toute seule. Et juin 40, les troupes anglaises ont débarqué en France et sont acculées par les Allemands sur les plages de Dunkerque. Dans la débâcle, pourtant, Bletchley Park célèbre sa première victoire. Car les interceptions dévoilent le plan des Allemands. Les blindés ne veulent pas attaquer le front, les Britanniques. Ils veulent les cerner. Alors, le 4 juin, conscients du temps qu'ils ont, les Anglais montent l'opération Dynamo. Ils font évacuer les 340 000 soldats alliés par la mer, grâce à Bletchley, précisément. La France se rend, la Grande-Bretagne est maintenant seule face à Hitler, lequel ordonne le 1er août la destruction de l'aviation britannique. Enfin, c'est ce qu'il souhaite. La campagne d'Angleterre commence. Et que pouvait faire l'Angleterre toute seule ? Elle a résisté. Ils sont venus chaque jour d'été, août, septembre. Ils sont aussi venus la nuit, en octobre, novembre, décembre. Le monde n'a su que plus tard combien l'Angleterre l'avait échappé belle. Ses réserves, nulles. Il lui a fallu du labeur, des larmes et du sang, car elle était seule. Mais l'Allemagne ne savait point que les hommes préfèrent mourir que se soumettre, et qu'il y a en eux un instinct qui les pousse à crier « Vous n'irez pas plus loin !» En août 1940, quand la bataille d'Angleterre s'engage, Turing a conçu une machine qui commence à fonctionner. C'est un énorme engin de 4 mètres de long pour 2,50 mètres de haut. Sur sa façade sont disposées 12 rangées de 3 roues. Ça, c'est le cerveau de la machine. Derrière courent des dizaines de câbles rouges. Ce sont les veines. On appuie sur un interrupteur, la machine se met en marche dans un cliquetis frénétique. Puis, 15 minutes plus tard, s'arrête. Sur les roues figure la configuration d'Enigma. Voilà l'appareil mécanique le plus secret de Grande-Bretagne, celui qui peut lui faire gagner la guerre. La machine de Turing est 15 fois plus puissante que la bombe polonaise. Mais en hommage, elle s'appelle Bombe, elle aussi. Et comme les Allemands communiquent tout avec Enigma, rien n'échappe à la Grande-Bretagne. Et voilà ces Allemands comme regardés par des Anglais derrière un miroir sans teint. Les Britanniques savent quand partent les escadrilles. Ils connaissent les avions utilisés, leurs cibles, leurs plans de vol, leurs stratégies. Alors, la RAF dirige ses avions, les Hurricanes et les Spitfire, sur les Messerschmitt et les Stuka allemands. Et la RAF détruit l'aviation allemande. Non sans douleur, bien sûr. Londres, Liverpool, Coventry, Birmingham, 30 000 civils meurent sous les bombardements. Mais les Britanniques tiennent bon, jusqu'à intercepter en novembre 40 un ordre d'Hitler. La Luftwaffe doit arrêter son offensive, parce que l'Allemagne ne parvient pas à détruire l'Angleterre de Churchill. Et bien à défaut, elle tente maintenant de l'asphyxier. Dans l'Atlantique, un sous-marin patrouille dans le secteur qui lui a été attribué. L'équipage repère un important convoi et alerte le commandant du bord. Il s'agit de pétroliers. Par radio, le sous-marin signale la présence du convoi à l'état-major de l'amiral Dönitz. Tous les submersibles disponibles à la mer sont à leur tour alertés. Le sous-marin plonge avec rapidité. On entend le bruit des hélices du navire ennemi qui passe quelques mètres au-dessus. Pendant ce temps, à la faveur du crépuscule, les autres sous-marins alertés par l'état-major, forçant de vitesse, se placent sur la route du convoi. Ils se mettent en plongée et c'est l'attaque simultanée et massive des navires ennemis. En juin 1940, à peine la France a-t-elle déposé les armes que l'amiral Dönitz prend ses quartiers à Lorient pour y orchestrer la bataille de l'Atlantique. Les Anglais vivent grâce au ravitaillement américain. La mission de Dönitz, c'est donc de couler les convois. Le 17 octobre, 35 navires britanniques reviennent des États-Unis, chargés de métaux et de bois. Dans la nuit, ils sont repérés par le sous-marin U-559, un de ces fameuses boats, l'épouvantail des fonds sous-marins, qui n'hésite pas à couler des paquebots civils. Une véritable terreur, ces U-boats. Dönitz procède toujours de la même façon. La technique de la meute, elle fait des ravages. Le problème, c'est qu'à Bletchley, il est impossible de décrypter les communications des sous-marins allemands. Tous les cryptanalystes considèrent que l'énigme naval est invulnérable. La menace des U-boats est la seule chose dont j'ai eu peur pendant la guerre, disait Churchill. Alors, au problème le plus complexe, le mathématicien le plus talentueux. C'est donc Alan Turing qui s'attaque à l'énigme naval. Mais dès le départ, il sait qu'il ne peut rien sans les livres de code de la Kriegsmarine, là où sont indiquées les configurations quotidiennes d'énigmes. Et pour les trouver, il faut attaquer les navires allemands. sachant qu'à leur bord, chaque opérateur a toujours à proximité un seau d'eau dans lequel il plonge les codes en cas d'attaque. Le 4 mars 1941, 800 commandos britanniques prennent d'assaut un bastion nazi sur les îles Lofoten en Norvège. Il s'agit de détruire les bateaux allemands et les collabos norvégiens. L'opération se révèle bien plus intéressante que prévu. Car dans l'un des navires attaqués, l'opérateur a oublié de plonger les livres codes dans le seau d'eau. Le précieux document parvient à Bletchley un mois plus tard. Et en juin 1941, avec les informations qu'il contient, Turing casse l'énigme navale. Alors, les navires britanniques se faufilent entre les U-boats et le tonnage coulé passe de 282 000 tonnes en juin à 62 000 en novembre. La marine britannique passe de l'asphyxie à la survie et au fil du temps, la Grande-Bretagne prend le dessus sur l'Allemagne. Nous sommes en décembre 1941 et la guerre connaît un premier tournant. Hier, 7 décembre 1941, une date qui restera marquée par l'infamie. Les États-Unis d'Amérique ont été l'objet d'une attaque des forces navales et aériennes de l'Empire du Japon. Je demande que le Congrès déclare qu'étant donné l'agression japonaise, odieuse et injustifiée, il existe un état de guerre entre les États-Unis et l'Empire du Japon. Être en guerre contre le Japon, c'est se battre aussi contre l'Allemagne. Avec la déclaration de Roosevelt, la guerre s'accélère partout. À Bletchley Park, on fabrique des bombes par dizaines. Et en janvier 1942, on décrypte des messages inquiétants. 971 Juifs ont quitté Brême pour la Pologne dans des trains. Les Allemands comptent les manteaux de fourrure qu'ils ont saisis. Les Britanniques comprennent alors par bribes l'assassinat organisé des Juifs d'Europe. Le travail de décryptage est maintenant industriel. Il n'y a qu'à faire tourner les rotors de Turing pour lire sans aucun problème les messages nazis. Mais le 1er février 1942, catastrophe. Alors que Britanniques et Américains planifient le débarquement en Afrique du Nord, la Kriegsmarine change son énigma. La nouvelle machine ne contient plus 3 rotors, mais 4. Turing ne peut rien faire contre cette version. Que s'est-il passé? Les Allemands se sont-ils rendus compte que leur message est décrypté? Probable. Quoi qu'il en soit, de nouveau, les U-boats sévissent. Et dans ces conditions, impossible d'organiser le débarquement des Américains. C'est l'issue de la guerre qui est en jeu, rien de moins. Le 30 octobre 1942, 7 longs mois plus tard, le U-boat 559 patrouille en Méditerranée. Des avions britanniques le repèrent. Ordre est donné au destroyer HMS Pittard de l'attaquer. Pendant 10 heures, il le maintient sous l'eau, le harcèle de grenades sous-marines. Touché, le sous-marin remonte à la surface. À bord, c'est la panique. Les Allemands se jettent à l'eau en activant les explosifs d'urgence qui doivent faire sombrer le submersible, car il faut protéger Enigma. Mais la chance est avec les Britanniques. Les explosifs ne fonctionnent pas. Alors en vitesse, le capitaine Thornton envoie des marins à bord des U-boats. Et là, dans l'étroite cabine du capitaine allemand, il trouve la nouvelle machine Enigma. Et là, à côté, une feuille de papier buvard rose imprimée à l'encre soluble, les très précieux codes de la machine. Nous sommes fin 1942. Les Britanniques lisent de nouveau les communications de la Kriegsmarine. La Grande-Bretagne et les États-Unis respirent. Fin mai 43, alors que 43 U-boats ont été coulés par les Alliés, l'amiral Dönitz reconnaît sa défaite. On a l'impression que quelqu'un regarde par-dessus notre épaule, dit-il, suspicieux. Pourtant, l'Allemagne reste persuadée que sa machine ne peut pas être décryptée. Et, fine mouche, les Britanniques protègent le secret à merveille. À Bletchley Park sont affichés partout les messages suivants. Ne parlez pas pendant les repas. Ne parlez pas dans les transports. Ne parlez pas quand vous voyagez. Ne parlez pas dans votre cantonnement. Ne parlez pas au coin de votre feu. Soyez prudent, même dans votre hutte. Autrement dit, taisez-vous. La flotte allemande battue, il est temps de préparer maintenant le débarquement des Alliés. Voilà la dernière grande victoire de Bletchley Park et de la Grande-Bretagne tout entière, le jour J. En 1944, ce sont près de 10 000 personnes qui travaillent à Bletchley. Des femmes, en grande majorité, écouteurs vissés sur les oreilles, notant inlassablement des suites de lettres incompréhensibles. C'est une vraie communauté, avec une équipe de foot, un club d'échecs, une troupe de théâtre. Et on y apprend tout de l'armée allemande, quand les Allemands, eux, ne savent presque rien. Pendant les 18 mois précédant le débarquement, Bletchley accumule tous les renseignements nécessaires. Le positionnement de chaque division dans le nord de la France, le nombre de chars, le nombre de soldats, les noms des commandants, les déplacements. En temps de guerre, dit Churchill, la vérité est si précieuse qu'elle doit toujours être protégée par un rempart de mensonges. Et le rempart du débarquement, c'est l'opération Fortitude, la plus grande intox de la guerre. Pour protéger le débarquement en Normandie, le vrai, les Alliés font croire à l'Allemagne que l'invasion aura lieu sur les plages du Pas-de-Calais, que celui dont on parle en Normandie n'est qu'une diversion. Le génie militaire des Anglais construit, par exemple, des centaines de chars en plastique gonflable pour tromper l'observation aérienne ennemie. Bletchley peut même constater en temps réel comment les Allemands tombent dans le piège jusqu'au 6 juin 1944. Au flanc du fameux mur de l'Atlantique, les Alliés ont pratiqué déjà une large brèche. Il y a quelques jours encore, les forces alliées ne disposaient que de quelques têtes de pont. Aujourd'hui, tout un pan de la forteresse européenne est démantelé. Avec chaque marée favorable, les Français ont vu arriver dans le Cotentin des renforts et du matériel nouveau, toujours plus puissant. La bataille des plages est gagnée. Les Allemands disent qu'il y a déjà 400 000 soldats alliés sur le sol de France. L'ennemi a essayé de résister de toutes ses forces. Mais l'attaque a été menée à fond et bientôt les forces de la libération prenaient contact avec le peuple de France. Avril 1945, les Américains sont à Berlin. La ville est en ruine. Hitler est retranché dans son bunker. Depuis les tunnels de la ville, il manœuvre de loin des troupes qui ne lui obéissent plus. À des centaines de kilomètres, Bletchley assiste à sa chute. « Mais pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous ai ordonné » lisse-t-il. « Pourquoi vous ne répondez pas ?» Hitler trépigne. Hitler enrage dans des excès de fureur qu'on imagine grotesques, comme souvent. Le 15 avril 1945, deux semaines avant son suicide, les Britanniques interceptent un dernier message. Encore une fois, le bolchevisme sera victime du vieux destin asiatique. Il viendra se briser sur la vieille capitale du Reich. L'Europe ne sera pas russe. Grâce à Bletchley Park, aux mathématiciens polonais et aux renseignements français, elle ne sera plus nazie. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Enigma, nous en parlons avec notre invité, l'historien François Kersaudy. Bonjour. Bonjour. Alors, on va se concentrer, si vous voulez bien, sur le rôle essentiel du secret, ainsi que l'attitude de Churchill vis-à-vis d'Enigma, sur le rôle exact de ces décryptages dans toutes les victoires alliées de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui m'amène à cette première question, tout naturellement. Bletchley Park a-t-il permis d'écourter la guerre, comme on l'a dit, de 2 ans? Oui, je crois qu'on peut dire ça, parce qu'il faut expliquer un petit peu comment l'influence que ça a eu sur les divers théâtres d'opération, et là on comprendra beaucoup mieux. Effectivement, alors ce qui a été dit est tout à fait juste en ce qui concerne la bataille d'Angleterre. D'abord, effectivement, la campagne de France, c'est effectivement grâce à Enigma que les Anglais ont compris qu'ils allaient être cernés et qu'ils ont donc désobéi aux ordres. Lord Gortz a désobéi aux ordres de Churchill. Au lieu de passer à l'offensive comme le voulaient les Français, ils sont allés vers Dunkerque pour pouvoir se rembarquer, parce qu'Enigma leur a bien montré qu'il s'agissait, une fois l'armée allemande, de les cerner. Pour ce qui est de la bataille d'Angleterre, c'est encore plus décisif, puisque non seulement, comme il a été dit, les Anglais, grâce à Enigma, savaient d'où partaient les avions qui allaient les bombarder, à quelle heure ils décollaient, mais en plus, ils savaient quelle était la stratégie du maréchal Göring et son idée, sa conception, qui était de forcer les Anglais à mettre tous leurs chasseurs en l'air pour pouvoir les abattre d'un seul coup. Et connaissant cette tactique, ils ont fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé un minimum de chasseurs pour faire une guerre d'usure, et c'est seulement à la fin, quand les Allemands croyaient avoir gagné, qu'ils ont envoyé leurs chasseurs en masse, et ça, évidemment, a eu un effet totalement démoralisant et a conduit Hitler à renoncer. Maintenant, au moment où les Anglais ont eu leur premier succès de décryptage, c'est-à-dire en avril 1940, pendant la campagne de Norvège, le Bletchley Park a communiqué ses premières interceptions au MI6, puisque le service secret, le MI6, était celui qui chapeautait Bletchley Park. Il se trouve que le service à Century House, c'est-à-dire le quartier général du MI6, se trouvait juste au-dessus d'un autre service qui était commandé par un certain Group Captain Winterbottom, Frederick Winterbottom, un officier de la RAF qui travaillait pour le MI6 et à qui ils ont également communiqué cette bonne nouvelle. Et lui a eu... a pensé à un stade supérieur avec un petit peu d'avance et il s'est dit, oui, mais ça c'est très bien, mais toutes les informations qu'on va pouvoir capter vont être disséminées dans les ministères, les états-majors, chez les commandants locaux, et ça va redescendre, et ça va fuiter, bien entendu, à un moment ou à un autre, les Allemands vont savoir qu'on intercepte leurs communications, et donc ça ne servira plus à rien puisqu'ils vont changer de système. Et il va voir le chef du service secret, Stuart Menzies, et il lui dit, voilà, il faut faire quelque chose pour garder le secret et pour que les Allemands ne sachent pas qu'on a percé leur communication. Et Menzies lui dit, qu'est-ce que vous proposez? Et ce qu'il propose, en fait, c'est de constituer des services particuliers, une quarantaine, qui s'appelle les SLU, hein, Special Liaison Units, qui seraient envoyés à tous les états-majors sur tous les théâtres de guerre pour donner les informations, communiquer aux responsables et seulement aux plus hauts responsables et à leurs chefs des renseignements ce qui a été décrypté d'Enigma, et en s'assurant que l'information serait immédiatement détruite, brûlée après consultation. Et au bout du... Pardon. Et en plus, si on ne pouvait pas montrer à l'ennemi qu'on avait des raisons autres que cette interception de prendre une mesure, eh bien on ne prenait pas cette mesure pour garder justement le secret. Alors, écoutez, c'est pardon. Très bien fait. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire à l'issue de tout ça, c'est grâce à cela que effectivement le secret a été conservé. Les 40 membres, les 40 services qui ont été envoyés à tous les quartiers généraux depuis Malte jusqu'à Delhi, en passant par le Caire et ensuite aux Américains aussi dans la guerre du Pacifique, tout cela a permis de garder le secret jusqu'à la fin, puisque jusqu'à la fin, les Allemands, oui. Ni les Allemands, ni les Italiens, ni les Japonais n'ont su qu'on avait percé et au bout du compte, le secret de leur communication. Donc c'était, est-ce qu'on a gagné 2 ans, au bout du compte? Alors, on a gagné 2 ans, je vous expliquer pourquoi, parce que toutes les... après la bataille de l'Atlantique, après la bataille d'Angleterre, toutes les grandes batailles qui ont été livrées, c'est-à-dire dans le Pacifique, la bataille de la mer de Corail, Midway, Guadalcanal, en Méditerranée, le débarquement en Afrique du Nord, le débarquement en Sicile, tout cela a été fait sur la base des renseignements que l'on a reçus d'Enigma. Et la bataille décisive qui a été elle à la Main, est un cas d'espèce tout à fait remarquable, puisque quand Rommel a attaqué à El Alamein, à la fin du mois d'août 1942, Montgomery, du côté allié, avait son ordre de bataille, ses effectifs, la date de son offensive, l'heure de déclenchement, les vulnérabilités, et surtout... Mais il savait tout, hein. Les tactiques et les objectifs précis de Rommel, ainsi que les ordres d'Hitler d'ailleurs. Ce qui fait que son offensive, l'offensive de Rommel, a tourné au guet-apens. Les Anglais l'attendaient et tout l'ordre de bataille était affiché dans la roulotte de Rommel. Sauf qu'il n'y a que lui qui est de Montgomery, qui pouvait le voir. Donc, son chef de renseignement. Donc ça veut dire que l'argent est souvent le nerf de la guerre, mais le renseignement est également. Dans la bataille de Normandie, c'est pareil. Je crois que vous ne m'entendez pas. Bon. J'entends plus. Oui. Effectivement, François Kersoli. C'est un petit peu, ce sont des joueurs de poker qui jouent en ayant devant eux tout le jeu de l'adversaire. Évidemment, c'est beaucoup plus facile. Bien sûr. On va se retrouver dans 3 minutes pour continuer à discuter de l'avantage énorme, évidemment, d'avoir des renseignements fiables et forts en temps de guerre. On écoute James Blake, Are You Even Real? There's no 5 years, there's no 10 years, only this. Queen of queen of queen of queens. There's no knife, 'cause there's no tension, only this. Lucid dream, dream. All I can do is trust in her. Late nights I can see the lust in her. Acid rain is the first for her. Skies open up, share a cup with her. Cracking seals, guilty no appeal. Trip down the hill, strawberry fields. Are you even real? She said, tell me how you feel. Are you even real? Are you even real? Maybe I should study my reflection. Best to know how I see. I spend the day dreaming of connection, just to feel how you feel. All I can do is trust in her. Late nights I can see the lust in her. Acid rain. The first brother, skies open up, shook up with her. Cracking seals, guilty no appeal. Trip down the hill, strawberry. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Enigma, aujourd'hui, qui fut l'une des affaires les plus sensibles de la Seconde Guerre mondiale. François Kersaudy, on en parle ensemble. Je rappelle que vous êtes historien et biographe de nombreuses grandes figures de cette époque-là. J'ai trois questions à vous poser, au moins trois. D'abord, les Allemands se sont-ils doutés qu'Enigma avait été dévoilé, puis cassé, ou est-ce qu'ils sont restés longtemps dans cette ignorance ? Ils sont restés jusqu'au bout dans l'ignorance. Plusieurs fois, ils ont quand même soupçonné qu'il se passait quelque chose. Donc, ils ont ordonné des enquêtes de l'Abwehr, qui a fait l'enquête trois fois. Et les trois fois, ils ont dit qu'il n'y avait rien à signaler. Il y avait une certaine, de toute façon, un mépris pour l'intelligence de l'adversaire qui faisait qu'ils pensaient qu'ils n'auraient jamais la possibilité de décrypter quelque chose d'aussi génial que ce qu'ils avaient. Donc, ça a participé. Mais non, ils n'ont jamais pensé. Du côté allemand, est-ce que les transmissions des alliés ont été elles aussi décryptées ? Est-ce que les Allemands avaient un système de décryptage qui était aussi sophistiqué que leur système de cryptage ? Alors, ils en avaient assez bon, ils ont un truc qui s'appelait le B-Dienst, et effectivement, ils ont pu effectivement décrypter notamment les communications des convois, ce qui était quand même assez utile. Et ils ont aussi mis un branchement sur le câble transatlantique, ce qui leur a permis d'écouter deux ou trois fois les communications entre Churchill et Roosevelt. Ils n'en ont pas tiré grand-chose, d'ailleurs. Roosevelt disait qu'il allait, après ça, il allait aller à la pêche, donc ça n'a pas servi à grand-chose. Mais enfin, oui, de temps en temps, ils ont eu quelques petits succès, tout à fait. Le général de Gaulle était-il au courant que ses alliés anglais étaient en train de décoder Enigma ? Absolument pas. Non, il ne savait pas du tout. On considérait que les Français n'étaient pas sûrs et donc ils ne pouvaient pas. Et Churchill était très jaloux de garder le monopole de ce système. Il appelait ça « the goose that lays the golden eggs and never cackles hein ». C'est la loi qui pond des œufs en or et ne caquette jamais. Et les gens de Bletchley Park, d'ailleurs, en octobre 1941, ont trouvé qu'ils n'avaient pas assez de moyens. Et ils ont décidé, pas seulement Turing, parce que c'était une affaire beaucoup de monde, ils ont fait un appel direct à Churchill pour lui demander davantage de moyens. Et Churchill a immédiatement réagi en envoyant une note avec la fameuse petite carte Action This Day, une petite carte rouge qui se met la panique dans les services, et dans laquelle il y avait écrit ceci: « Make sure they have all they want on extreme priority and report to me that this has been done », c'est-à-dire assurez-vous qu'ils reçoivent tout ce qu'ils veulent en priorité absolue et rendez-moi compte dès que ce sera fait. Et quand Churchill se mettait à faire des choses pareilles, on obéissait vite. Donc il les a protégés, il a été un petit peu la mère poule de son oie qui pondait des œufs en or. Et aussi, bien entendu, lui qui n'était pas un champion du secret, là en l'occurrence il a fait une exception et il a fait en sorte que le secret le plus total soit maintenu, même après la guerre d'ailleurs. Les Polonais, il faut leur rendre hommage aussi, ces mathématiciens polonais qui ont pris l'affaire à bras-le-corps très très vite, qui étaient-ils ces gens ? Oui, bien sûr. Ils avaient un bureau qui s'appelait Bureau Chifrov qui s'occupait des interceptions et qui avait des mathématiciens de génie, lesquels étaient aussi très pro-alliés et qui ont coopéré non seulement avec les Français, mais aussi avec les Anglais après, puisque après la campagne de France, ils sont allés en Angleterre. Et d'ailleurs, la plupart étaient également à Bletchley Park, ces Polonais-là. Beaucoup, d'ailleurs, après, ont été naturalisés anglais. Alors, il faut aussi revenir un peu sur le rôle de ces fameux sous-marins allemands, U-Boot, qui étaient vraiment la terreur, peut-être la grande terreur, l'une des grandes terreurs de cette guerre. Donc Churchill avait dit que c'est quand même le seul élément qui lui avait vraiment fait peur. Deux mots sur ces U-Boot, combien étaient-ils, qu'est-ce qu'ils ont fait comme dégâts, dans quelle mesure et comment ils ont pesé sur la guerre, sur le destin de la guerre qui était en faveur des Allemands, au début, évidemment, au début, dans la première phase. Oui, les U-boats ont fait effectivement d'énormes dégâts, notamment par ce qui a été signalé dans votre émission. D'ailleurs, ce sont les attaques en meute. Et ils ont coulé non seulement d'une, de la partie occidentale, la partie orientale, c'est-à-dire sur les côtes anglaises, mais aussi sur les côtes américaines quand les Américains sont entrés en guerre. Ils ont fait des dégâts gigantesques, à tel point qu'on... À un moment, on a pensé que les communications pourraient être coupées, même entre l'Angleterre et les États-Unis. Sauf que cette tactique d'attaque en meute posait un problème, c'est qu'il fallait quand même qu'ils reçoivent des ordres et qu'ils fassent rapport au moins une fois par jour. Et quand ça a été intercepté, c'est là qu'ils ont commencé, et en plus il fallait qu'ils soient ravitaillés. Tout ça nécessitait quand même des communications, et c'est justement par Enigma qu'on a pu repérer leur position, et qu'à partir de entre avril et mai 43, leur position est devenue totalement intenable, justement parce qu'ils étaient repérés pratiquement avant qu'ils ne passent à l'attaque. Donc quel soulagement. La menace a été conjurée à partir de là, et c'est comme ça que la bataille de l'Atlantique a été gagnée. Et bien sûr le radar, le sonar, radar centimétrique des avions, le sonar, etc. Un tout dernier mot, François Kersaudy, d'Alan Turing. Bon, cet homme-là, quand même, a eu un rôle énorme dans la guerre. Ça devait être un héros britannique. Alors, ça s'est pas passé très bien, sa vie, après. Non, bien sûr, oui, ça s'est pas passé bien pour diverses raisons, notamment l'homosexualité qui à l'époque était très mal vue. On n'en faisait pas des défilés à cette époque-là, c'était quelque chose d'inavouable, et on considérait ça comme un problème médical, on a même essayé de le soigner, etc. Et le fait qu'il soit un héros, évidemment, personne ne le savait, puisqu'il était absolument interdit de révéler le secret d'Enigma, donc il ne pouvait pas s'en prévaloir. Et jusqu'en 1974, d'ailleurs, c'est resté totalement secret. Les Anglais l'ont gardé longtemps après. Ils devaient tous prêter serment, comme quoi ils ne révéleraient jamais le secret d'Ultra et du décryptage. Ils ne pouvaient pas du tout s'en prévaloir. Et ils n'avaient pratiquement pas de protection, encore que... Merci François Kersaudy, ce sera le mot de la fin. Mais vous, François Kersaudy, ne m'entends pas. J'ai l'impression qu'on a des petits problèmes de communication. En tout cas, merci infiniment François Kersaudy pour tous vos éclairages. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Enigma, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Bien sûr, à la technique aujourd'hui, il y avait Patrick Henry.